Dialogue. Les loisirs des Parisiens. Écoutez. Qu'a donné cette enquête sur les loisirs des Parisiens? Finalement, nous avons été surpris de voir tous les sports qu'on peut pratiquer à Paris. Natation, canotage, équitation, tennis, tir à l'arc, boules. Vous me paraissez bien optimiste. Chaque jour, on entend les gens se plaindre du manque de possibilités. Mais non, de toute évidence, les possibilités sont multiples. Mais croyez-vous que ce soit à la portée de toutes les bourses? Seule une minorité en profite. Tous ces sports se pratiquent dans des clubs. Chacun a sa spécialité et les droits d'inscription sont élevés. Pas dans tous les cas. Et ce que vous oubliez de dire, c'est que tous ces clubs sont en banlieue. On perd un temps fou en trajet. Chaque famille n'a pas la possibilité d'accompagner les enfants. Bien sûr, je comprends votre point de vue. Que vous le vouliez ou non, pour la plupart des Parisiens, des enfants surtout, il n'y a que les jardins publics dont les aires de jeu ne sont pas toujours bien équipées. Répétez. Qu'a donné cette enquête sur les loisirs des Parisiens? Finalement, nous avons été surpris de voir tous les sports qu'on peut pratiquer à Paris. Natation, canotage, équitation, tennis, tir à l'arc, boules. Vous me paraissez bien optimiste. Chaque jour, on entend les gens se plaindre du manque de possibilités. Mais non, de toute évidence, les possibilités sont multiples. Mais croyez-vous que ce soit à la portée de toutes les bourses? Seule une minorité en profite. Tous ces sports se pratiquent dans des clubs. Chacun a sa spécialité et les droits d'inscription sont élevés. Pas dans tous les cas. Et ce que vous oubliez de dire, c'est que tous ces clubs sont en banlieue. On perd un temps fou en trajet. Chaque famille n'a pas la possibilité d'accompagner les enfants. Bien sûr, je comprends votre point de vue. Que vous le vouliez ou non, pour la plupart des Parisiens, des enfants surtout, il n'y a que les jardins publics dont les aires de jeu ne sont pas toujours bien équipées.